À l'occasion de la Journée du Soleil, la délégation du Parti des Socialistes de la République de Moldavie, conduite par le vice-président du Conseil national Grigore Novak, est arrivée le 12 à Pyongyang.